Sœur Agathe et Sœur Rose appellent mes hommages. La plus âgée n'a pas ses 18 ans. La première, vive, pétulante, est un petit démon. Elle a de l'esprit comme un lutin. De jolies réparties, une adresse incroyable. Rose est plus douce, plus tendre, mais gaie. Ces deux enfants sont liés par une étroite sympathie et plus encore par le tempérament. L'abbesse dont elles sont les bijoux m'a confié qu'elle s'en donnait avec excès, et qu'elle-même les avait reçus plus d'une fois dans son lit, pour du moins tromper ses désirs. J'étais libre avec elles. Je leur montrais à danser, et nous faisions mille folies, parbleu. « Mes sœurs, leur dis-je un jour, vous devriez bien m'apprendre ce jeu que vous jouiez hier ensemble. »« Quel jeu ?» répond Agathe pendant que Rose rougit. « Ma foi, si je le savais bien, je ne vous le demanderais pas. »« Bon, Rose, il veut cache-cache. » Et la friponne d'éclater de rire. Cache-cache ? Ah, vous mentez, expiègle. Il n'y avait rien de caché, je l'ai bien vu. Quoi ? Vous l'avez vu ? Dit Rose. Agathe, nous sommes perdus. La petite pleure et sa compagne est déconcertée. Et... Mon cœur, ne pleurez pas. Rose, vous êtes une enfant. Je n'en dirai, ma foi, mot à personne. Cela les tranquillise un peu. Au cloître comme ailleurs, péché caché n'est rien. Mais comment l'avez-vous vu ? Reprend Agathe plus timidement. « Je vous trompais, je ne l'ai pas vu, mais mon génie me l'a dit. »« Un génie ? Un génie ?» répète Rose. « Oui, un génie, qui me visite tous les jours. » Et mes folles de rire à gorge déployée, par Dieu. « Petites incrédules, je vous le ferai voir, mais à condition que vous m'apprendrez votre jeu et que vous écouterez ce qu'il vous dira. »« Comment, il parle ?»« Sans doute, mais c'est par signe, et je vous les expliquerai. »« Ah, voyons, voyons, » dit Rose doucement, « diable. »« Comme vous y allez, attendez donc que je l'appelle. » Si vous vouliez toujours me montrer votre jeu. J'avais, sacre Dieu, mes raisons. Jamais mon génie ne fut si bête. J'avais beau le talonner, ce bougre-là n'arrivait point. Pardon, pardon, le voilà qui vient. Écoutez, que la plus incrédule passe dans ce coin-là, et quand elle l'aura vu, qu'elle le tienne bien, de peur qu'il ne s'en aille, car il est un peu farouche. Ainsi fut fait. Je tire, mon seigneur. Ma folle d'Agathe saute dessus. Ah, Rose, viens donc vite, je le tiens. Nous nous approchons au jour. « Oh, le drôle de génie, comme il est fait, mais il n'a point de nez. » Rose le prend. « Ah, comme il est chaud, c'est qu'il est venu fort vite et... » Mais dit Agathe, « il tient. » Et la petite bougresse le tire à le démancher, sacre Dieu. « Mesdemoiselles, un moment donc, vous ne voyez pas que c'est un escargot ? Il est dans sa coquille. »« c'est vrai, dit Rose, voilà le bourrelet. » Elle saisit les voisines, qui ramassées en dessous, étaient dures comme pierre. Agathe y porte la main et revient au personnage. Un escargot. Je n'en ai jamais vu comme ça. C'est qu'il est de la Chine. Montre-t-il ses cornes ? Eh non, il n'en a point dans ce pays-là. Mais ce sont eux qui les apportent au mari. Ah ça, il est pressé. Je mourrais de peur que le génie ne s'émancipe pas dans leurs mains. Votre jeu, mesdemoiselles ? Oh, il faut qu'il parle. Allons, je le veux bien. Il faut convenir que je suis trop complaisant. Mais je vous avertis que c'est à chacune en particulier qu'il faut vous laisser faire des signes. Sans dire mot ou bien serviteur, plus d'esprit, et s'il se fâche, il ne reviendra plus. Allons, Agathe, à vous. Mais surtout, Motus. Je la prends, je la jette sur le lit. Ah, dit-elle, je ne vois plus l'esprit. Soyez tranquille, il ne s'en ira que si vous n'êtes pas sage. Je la trousse. Tu te doutes du reste et du langage de l'esprit. La petite fut courageuse et ne dit pas un mot. Mais, ami, peins-toi rose, tournant de tous côtés, examinant, pâlissant, rougissant, trépignant. « Agathe parle-t-il ? Ah oui, ah !»« Mon Dieu, ah comme il parle, le joli esprit, mon Dieu !»« Je n'en puis plus, Agathe !»« Agathe, qu'est-ce qu'il te dit donc ?» Elle avait, par Dieu, autre chose à faire que de répondre. Ma foi, la petite diablesse se remuait si vivement et me serrait si ferme que j'allais recommencer, quand tout à coup Rose, ennuyée, me tire par mon habit. Et l'esprit sort tout en sueur, tout échauffé du carnage. Je n'ai que le temps d'étendre Agathe sur un fauteuil, et je travaille sa compagne. Celle-ci était moins vive, mais pétrie par la volupté. Elle avait surtout cette qualité si précieuse que j'avais déjà trouvée, à quelques femmes, et toujours avec un nouveau ravissement. Le sanctuaire se refermait après le sacrifice, et pressait sans laisser le temps de... Mais voyez combien l'esprit avait donné de réflexion à Agathe. Elle ne me faisait plus de questions. Les deux amies penchées l'une sur l'autre, étaient dans une extase dont rien ne pouvait les tirer. Pour moi, je jouissais de leur trouble ingénu, et je le partageais. Nous ne parlâmes plus du jeu. Elles reconnurent ma tromperie sans m'en savoir mauvais gré, et l'esprit de temps en temps leur donna de nouvelles leçons. J'étais au comble du bonheur, à un peu de fatigue près, mais le diable qui veille toujours s'était fourré dans la tête de me débusquer d'un si bon gîte. L'habitude amène la sécurité endort. On ne se précautionne plus et l'on devient soi-même l'artisan de son malheur. D'ailleurs, une pomme pour 3 déesses les fit battre, un homme pour 20 religieuses. Il y a de quoi, j'imagine, les faire étrangler. Vous ne connaissez pas, mon ami, les républiques femelles dont la baisse est comme le doge? La plupart des filles qui les composent ont été enrôlées malgré elles dans la milice céleste. On les a faites épouses d'un être immatériel, et les charmes de la contemplation ne détruisent pas en elles la corporalité. Il en résulte dans la jeunesse une révolte des esprits charnels, un conflit de juridiction entre l'essence et la raison, entre le créateur et la créature, où souvent la faiblesse humaine est obligée, comme Pilate, de s'en laver les mains. Tout cela ne fait que tromper les passions, irriter les désirs, les allumer davantage, de là les nerfs, les spasmes, etc., etc. Dans la vieillesse, on est pigriège, colère, âpre, grondeuse, de là encore les inspirations, les apparitions, et toutes les folies que les uns ont brûlées, les autres canonisées. Cela n'est point de mon grave sujet. On ne peut pas toujours prier, il faut médire, prendre son prochain par les pieds et par la tête, le tout pour son bien et la plus grande gloire de Dieu. Les confesseurs sont surtout un grand objet. S'ils sont deux, le barcail est partagé et chaque partie hait cordialement son adversaire. S'il n'y en a qu'un, jalousie, rivalité, fureur, quoi. Pour un vieux moine? Oui, pour un vieux moine, car avec sa figure de singe, toujours est-il du bois dont on les fait. On se mange, on se dévore, on s'empoisonnerait pour lui. Enfin, mon cher, dans ces séjours de paix et d'innocence, on goûte en paradis les douceurs de l'enfer. Que serait-ce donc si je peignais les amours des jardiniers, les ruses pour faire entrer des amants, les horreurs du despotisme que les vieilles discrètes exercent sur les pauvres enfants qu'on leur a livrés? Que serait-ce si, te racontant 1000 scènes dignes de l'arétin, je t'effrayais de la corruption que ces demoiselles vont puiser jusqu'au moment où on les marie, dans ces lieux consacrés à la vertu et prostitués au vice? Et que serait-ce encore si je te traçais les scènes de désespoir qui se passent dans le secret et le silence? Les brigues, les trahisons, les complots, tout ce que doit nécessairement enfanter la contrainte, la servitude et la barbarie. Non, tu m'accuserais d'humeur. À la vérité, j'eus quelques sujets d'en prendre. Déjà l'on murmurait. Le conseil des discrètes s'était assemblé. On glosait sur l'abbesse, qui trop absolue peut-être voulait que l'on respectât ses goûts et ses plaisirs. Les révérends de mère, sans cesse aux écoutes, gênaient les miens. Toute la jeunesse rigoureusement observée n'osait plus se livrer à mes empressements. Je m'aperçus que ces vieilles bougresses me regardaient comme le bouc émissaire. Le Père en Dieu conduisait tout, mais sourdement, depuis que j'avais menacé sa révérence de la faire rouer de coups par mes valets, sauf à la guérir par 6 mois de séminaire. Des lettres anonymes, péché mignon des prêtres, se répandirent. L'abbesse faisait tête à l'orage. Je lui devenais plus cher par la crainte de me perdre, hélas. Le coup était porté. On avait fait passer des plaintes à Monseigneur. Il était bête, portait un large chapeau, des cheveux plats comme sa figure, et cachait sous un maintien double et cafard une arme ecclésiastique et traîtresse. Sa réponse fut tonnante. Il annonçait sa venue pour remettre l'ordre dans une maison où l'esprit de Bélial s'était introduit. Je voulais l'attendre. Ma chère abbesse me fit concevoir que je la perdrais, et je partis chargé d'or et de sucre. Depuis 6 semaines, je n'avais pas vu mes gens. Ils s'étaient arrangés avec les tourrières, et je leur trouvais un embonpoint édifiant. Je tournai mes regards vers les clochers, où je laissais bien des yeux en pleurs. Ils se perdirent dans les airs ainsi que mes regrets. Je ne fis que passer à Paris, pour déposer tous les présents dont j'étais comblé, et repartis pour la Picardie, afin d'achever en province la belle saison. N'attendez pas, mon ami, que j'aille dans quelques villes. Non, je les ai fréquentées autrefois, et ma curiosité est rassasiée. J'ai trouvé les mêmes vices que dans la capitale, avec cette différence qu'ils sont plus ridicules et moins aimables. Là, c'est un conseiller d'élection, si vous voulez, qui joue la gravité d'un chancelier. Les honneurs du pavé lui sont dus. Dans le cercle, on ambitionne de faire sa partie, il sourit aux femmes. Dédaigne les hommes, ricane, tranche, décide. Il veut être fat, il n'est qu'un sot. Ici, monseigneur le receveur du grenier à sel, ou quelques seigneurs de l'intendance, fait le petit fermier général, appelle tout le monde mon ami, vante son cuisinier, fait grosse chair, rit aux éclats. patine ses voisines, débite des nouvelles qu'il tient de la cour, et promet sa protection auprès des valets de chambre d'un ministre qu'il appelle secrétaire. On y voit, comme à Paris, la femme d'un marchand mettre en diamant sur sa tête des fonds presque aussi forts que ceux qu'il a dans le commerce, étaler un pied de rouge, porter des plumes, des chapeaux, dire pison et grasseiller. On y voit des précieuses, des dévotes, des femmes à prétention, et tout cela putain comme chez nous. On y voit enfin tout ce que je me suis lassé d'y voir, et qui ne me paierait pas de mon ennui. Je vais donc dans des lieux champêtres prendre la nature sur le fait, dévaliser quelques châteaux et démanteler quelques dames de paroisse à croupe large et rebondie. Un de mes amis chez lequel j'arrive tient un assez grand état. Il a une chasse superbe, de beaux droits. Sa maison est ancienne. Il en a soutenu l'éclat au service avec honneur. Sa femme a été belle, il y paraît encore. Mais pour ce couple-là, c'est Philémon et Baucis. Ne croyez pas qu'elle soit dévote. Non, la plaisanterie l'amuse. Elle recevra des vers galants parce qu'elle sait y répondre. Une gaieté douce qui fait son caractère la rend l'âme des sociétés. Elle y inspire le sentiment et le respect. Voilà sur mon honneur un portrait vrai. Et vous savez que je suis un peu panégyriste. Elle est trop modeste pour me lire. Mais du moins son mari lui rendra témoignage que j'ai trouvé à Villers ce que j'ai cherché vainement dans beaucoup d'endroits. La réunion des talents et des vertus. La société qui se rassemble au château me fournit bientôt des occasions de m'en écarter. Je voltigeais, et tout en courant, je pensais jouer, malgré moi, un rôle dans une scène très singulière, qui, me faisant croire aux jaloux et les craindre, ne me ramènera qu'un peu plus tôt au séjour des maris commodes. Pour la rareté du fait, je veux te conter cette aventure. Monsieur et madame de Bricourt vivaient très bien ensemble. Aucun soupçon ne troublait l'esprit du mari. Cependant, madame avait une intrigue. Jouait monsieur, et qui plus est, se moquait de lui avec son amant. Une imprudence détruisit la sécurité de l'époux. Tout le monde avait été à la chasse, et j'étais resté seul dans la maison avec madame. Elle passe dans son boudoir pour écrire. Je prends un livre et l'attends au salon. Tout à coup, elle sort, une lettre à la main. Son mari, revenu sur ses pas, je ne sais pourquoi, entre en même temps. « Ah, monsieur, lui dit-elle, qu'avez-vous ? Vous n'êtes pas la faire peur. » Il détourne sa vue sur la glace. Pour le malheur de la dame, cette glace me réfléchissait en entier, et le mari voit très distinctement qu'elle me glisse une lettre que je cache de mon mieux. La jalousie lui monte au cerveau. Il avait son fusil à la main. Il me couche en joue et me dit d'un air furieux « La lettre où tu es mort !»« Vous êtes fou, lui dis-je, et quand même j'en aurais une imprudence coupable pourrait seule vous la donner, car cet écrit ne vous serait pas destiné, et vous devriez vous épargner de le voir. Point de conseil, la lettre ou 3 balles dans le corps !» Je n'avais rien mis dans celui de la dame. Je ne crus pas devoir attendre les représailles du mari. Je me lève, je lui présente la lettre, et je pousse la femme dans son cabinet, car elle avait l'imprudence de ne pas bouger. La lecture en apprit au mari plus qu'il n'aurait voulu, et il se reconnut de la manière la plus claire chevalier du croissant. C'était un homme très violent, avec les dehors les plus phlegmatiques. Il prit sur le champ son parti et me demanda le secret. Les chasseurs arrivèrent. On ne s'aperçut de rien. Il donna à sa femme tous les noms d'amitié qu'il lui prodiguait dans la conversation. Je ne revenais pas de mon étonnement. Cependant, je n'ai jamais aimé les colères froides, et vous allez voir que j'avais raison de craindre. Partout où monsieur rencontrait madame seule, les chaises, les fauteuils lui servaient d'armes pour l'assommer. Rentrait-on dans le salon ? Mon cœur, m'amour, mon ange ! Comme sa digne moitié ne s'accommodait nullement de ce jeu-là, qu'elle n'était point bornée et qu'elle ne manquait pas d'esprit, elle nous fit cacher un beau matin dans sa chambre à coucher 3 femmes de ses amies, et moi 3e homme. Monsieur arriva, l'abattit comme plâtre. À ses cris nous sortîmes, et comme les femmes se soutiennent, je vous laisse à penser si la scène fut complète. Sur le champ, l'on monte en carrosse, et l'on conduit madame chez la mère de son mari. Cette mère, vieille janséniste, avait un faible infini pour sa belle-fille, et fort peu d'amitié pour monsieur son fils, qui n'avait pas l'honneur de penser comme elle. C'était sur cette connaissance que la petite diablesse avait formé son plan. « Maman, lui dit-elle, je viens me jeter entre vos bras. Depuis 1 an, je souffre le martyre avec mon mari. Il faut vous l'avouer, je suis ce qu'il appelle janséniste. Il me maltraitait continuellement. Enfin, il a saisi une lettre que j'écrivais à un saint ecclésiastique qui m'entretient dans mes bons sentiments. Comme je parle à cœur ouvert à mon directeur, les plaintes que je faisais ont irrité mon mari. » Il a porté l'audace jusqu'à m'accuser d'un commerce criminel. Depuis ce malheureux jour, il m'assomme de coups en particulier, et pousse l'hypocrisie jusqu'à m'embrasser en public. Ces trois dames en sont témoins. Trois hommes d'honneur le sont d'eux-mêmes. Si vous ne me sauvez pas, je suis perdu. Je n'ai plus qu'à me livrer à mon désespoir. » Les larmes coulent et arrosent le récit que les dames confirment. « Ah, le coquin, l'infâme !» répond la belle-mère. « Ma fille, restez chez moi. Je me charge de votre affaire. Et si le malheureux est assez hardi, il suffit. » Ce n'était pas tout. Il fallait retirer la lettre des mains du mari. Elle faisait preuve très convaincante. La jeune femme le persuade à sa belle-mère, qui mande à son fils de la lui envoyer par le même express, qui lui porte son ordre ou qu'il sera déshérité dans les 24 heures. Il connaissait sa mère. Il en attendait 40 000 livres de rente. Il fallut obéir, mais il accompagna le texte d'une glose fulminante. Vaine précaution. La vieille crut faire la plus belle action du monde de remettre tout à sa belle-fille. Comment se méfier d'une janséniste? Celle-ci voulut lire. On lui imposa silence. « Eh bien, ma bonne maman, jetons tout cela au feu. Quoi, ma fille, anéantir ces sottises? Vous avez trop d'égards pour ce rôle-là. Maman, il est votre fils, il est mon mari, et je l'aime toujours. » D'Aubricourt, furieux, invoque mon témoignage. « Moi, je dis que je ne savais rien, que j'avais bien eu une lettre, mais que j'ignorais ce qu'elle contenait. Ce ne fut pas tout. » Il y eut séparation, et la mère qui vient de mourir assure 20 000 livres de rente à sa belle-fille, indépendante de monsieur son époux. Lasse de fesser des lièvres et de tuer des lapins, plus fatigué encore du ton des campagnards, je m'enfuis sur les bords de la Somme. Là, un antique château bien noir, bien triste, bien vilain, atteste que depuis l'an 1300, il est le logis des hiboux et des chouettes du canton. Le vieux baron qui l'habite ne déroge point à si bonne compagnie. Son humeur est revêche, sa figure hideuse, son corps usé. Pour de l'esprit, son arbre généalogique l'a dispensé d'en avoir. Grand liseur de gazettes, grand politiqueur, se faisant monseigneuriser par ses valets, par un curé, qui ainsi que lui sait pour toute érudition marquer un sang de piquet, mangeant peu, dormant moins, et jaloux comme un tigre d'une jolie personne que trois mots de latin avaient baronisé. La baronne, comme dit la chanson, voudrait bien qu'on la ramone. Le baron, qui ne le peut, dit qu'il ne le veut, et c'est pour cette bonne œuvre que j'arrive séant. Je veux bien t'avouer encore à toi de mes secrets, le grand dépositaire, que l'on m'a dit que le vieux coquin avait de l'or, mais beaucoup, et que l'espérance d'en palper quelques portions me fait braver d'ennui, dégoût, tempête. Le baron me reçoit mal, et j'agis comme si je le trouvais bien. Sa femme joue la dignité, fait la précieuse, et tant soit peu l'ours, mais le mari qui m'observait me traita bientôt mieux. Je lui apportai 20 recueils de nouvelles. Pendant qu'il les feuilletait, je puis te peindre la belle. Une brune piquante, un teint coloré, de jolis yeux bien noirs, et le foutre pétille. La bouche très fraîche, des dents que le pain de seigle rend fort blanche, ni grande ni petite. La taille ramassée en jument poulinière de l'avant-main, un peu tétonnière, mais cela est dur, blanc et bien tourné. La croupe normande, point trop de boyaux, le montoir facile, la jambe fine comme une biche et le sabot charmant. Tous ces appâts-là n'ont pas 20 ans, en conséquence cela est très foutable. Au reste, ridicule dans sa parure, gauche dans son maintien, gardé dans ses propos, mais ses regards promettent du dédommagement, et elle prouve dans le tête-à-tête qu'elle n'est sotte que par contrainte. À dîner, je fais tomber la conversation sur les femmes. Le baron en médit, je renchéris, j'abonde dans son sens, et il en est si transporté qu'il veut m'enivrer par reconnaissance. Un coup d'œil avait mis la femme au fait. Quand il s'agit d'attraper un mari, aucune n'est novice. Elle fait mine d'être piquée et sort au dessert. Alors le baron me conte ses chagrins, m'apprend qu'il s'est mésallié, déplore sa faiblesse, etc. J'applaudis, je lui promets de faire entendre raison à sa femme. C'était foutre bien mon projet. Dès lors, il me laissa pleine et entière liberté. J'avais annoncé mon départ pour le lendemain. Il me demande en grâce une 15aine et me promet compagnie. « Allons donc, mon cher baron, la vôtre me suffit. Qui diable nous amènerez-vous? Des gentillâtres ou des bégueules? Vous êtes, pardieu, le seul galant homme que j'ai trouvé dans ces cantons. En vérité, dit-il, en s'adressant au curé. Il me raccommoderait avec la jeunesse. Jamais à cet âge on eut tant de raison. Le même jour, je tins compagnie à la baronne dans une promenade. Son mari ne put pas être entière à cause d'un catarrhe, et il fut presque obligé de se fâcher pour me forcer à lui aller préparer des cornes. Je ne perdis pas de temps. Après quelques propos vagues, j'en vins à ma déclaration. « Ce ne sera pas vous enfoncer, ma belle dame, que de vous plaindre. Ma conduite depuis que je suis chez vous a dû vous faire comprendre que je ne suis pas venu sans dessein. Ce dessein est de vous plaire. Je vous aime, je désire que vous m'aimiez. Si je vous conviens, arrangeons-nous. Vengez-vous du marouf qui vous tyrannise. Je vous offre des consolations, des secours, des plaisirs, un cœur dont les sentiments seront prouvés avec force. Votre réponse, belle baronne, décidera de mon sort. L'état où vous gémissez doit vous ôter une indécision qui nous nuirait à tous deux. Si je suis assez malheureux pour vous déplaire, je pars. Mais que diable, on ne brusque pas ainsi une femme de qualité, sans doute. Je filerai le parfait amour. Seras-tu donc éternellement incorrigible? Elle est bien moins bête que toi, car après quelques petites façons préliminaires, elle accepte la proposition. Et nous scellons le tout d'un baiser. Ensuite, elle prend ses arrangements pour venir coucher avec moi, ce qui lui était beaucoup plus facile que de me recevoir. As-tu jamais eu quelque jouissance de campagne? C'est une bête à dormir dessus. Cela n'a ni charnière, ni mouvement. Cela ne sait pas placer un petit foutre. À propos, pour les mots consacrés à l'amour, ce sont pour ses beautés grands termes de chimie. Mais en revanche, cela décharge. Ah, sacre Dieu! J'ai été confit, et par là-dessus, un sacré bidet. Je me donnais au diable. Excusez, c'est que le curé l'avait défendu. Mais madame, si ce bougre-là en avait autant dans la bouche, croyez-vous qu'il ne la laverait pas? Ah, dit-elle, cela expose à la tentation. Le scrupule était bon, là, et... Morbleu, lave toujours, et si je trouve l'ennemi, je lui fais sauter la cervelle. Je la reprends dans mes serres. En une heure de temps, je la mise en eau. Levrette, brouette, américaine, hollandaise, pardieu. Je t'assure qu'elle vit du pays. L'heureux naturel, à 2 heures de là, elle me grimpait déjà sur le corps toute seule. Enfin, nous nous séparâmes avec promesse de nous rejoindre le soir, sans préjudice de la journée, et en convenant de nos rôles. Le baron resta dans une sécurité parfaite. Que mon avec sa femme sut entretenir. Elle jouit des moments les plus doux et me donna de l'or plus que je n'en devais attendre d'une femme de province. Mais comment pouvait-elle l'avoir? Comment? La chose est simple. Les maris de campagne ne mettent pas leur femme en pension. Celle-ci d'ailleurs était jaloux et brutale, mais amoureux. Madame avait, ainsi que lui, la clé du coffre-fort. La petite rusée ouvrit 3 ou 4 sacs d'or, afin qu'il ne pût s'apercevoir d'aucune diminution, et me remit 200 louis, que je voulus bien accepter pour les frais du voyage. Mon bail expiré, je me retirai très bien avec le baron, que je laissais cocu et content, et mieux avec sa femme, qui répandit de grosses larmes. Mais l'ordre du destin m'arrachait de ses bras, et je partis. Ma dernière excursion champêtre fut à Salency, où je me trouvais le jour même, de la fête de la Rosière. La simplicité touchante de ce spectacle, fait pour la candeur et l'innocence, porte jusque dans l'âme de nous autres libertins un attendrissement auquel on ne résiste pas. Sublime effet des sages réflexions, des révolutions salutaires, qu'il m'inspira. Je n'eus pas plutôt vu celle qui venait de remporter la rose qu'il me prit envie de l'effeuiller. Cette paysanne avait 16 ans, était naïve, sensible et jolie. Je connus avec elle le prix de l'amour. C'était pour moi-même qu'elle m'aimait, car je n'aurais pas voulu acheter ses faveurs, et je goûtais pour la première fois peut-être un plaisir aussi doux. Il y avait si longtemps que je n'avais rien fait pour mon cœur. Ah, te voilà sur les bords du Lignon. Tu crains des bergeries, et que je ne te fasse bâiller en m'affadissant le cœur, bourreau. Ne puis-je donc pas me délasser un moment dans les bras de l'innocence? Quelle est jolie, cette enfant! Son teint hâlé, mais tout en feu quand je l'approche. Ses yeux, que je la force à lever sur moi, sont si touchants. Sa bouche sans artifice reçoit et rend le baiser avec cette ardeur ingénue, que je sais réchauffer encore. Elle n'a que l'éloquence de la nature. Mais combien elle est vive lorsqu'elle n'est pas corrompue. Nous parlons peu, nous agissons davantage. Mets ta main dans ce corset. Eh bien, as-tu trouvé beaucoup de gorges pareilles? Comme cela est séparé, blanc, ferme, élastique. Veux-tu que je te découvre ton corps d'albâtre? Celui-là n'est pas estropié par des baleines ou des tailles à l'anglaise. Voilà les vraies proportions de la Vénus de Médicis. Comme ses contours sont gracieux, amolis à l'œil. Quelle fraîcheur de carnation! Quelle colorie pure! Quelle jouissance! Son premier cri fut « Ah, que ça fait mal !» Le second fut « Ah, que ça fait plaisir !» Et le joli petit « de remuer, avantage inappréciable de l'éducation villageoise. Elle n'est ni épuisée, ni énervée. Son rein vigoureux craque sous moi. Bientôt, elle me rend secousse pour secousse. Elle ne se bat pas les flancs pour s'évanouir. Mais quand elle décharge, chaque fibre est émue. Son spasme même est animé. Déjà, ses caresses prennent plus d'énergie. Elle ose appuyer sur ma langue une langue plus agile. Tous les lieux sont pour nous le sanctuaire de l'amour. La plaine au coucher du soleil, le bocage au midi, au matin la prairie. Sans se masquer d'une feinte pudeur, elle laisse parler ses désirs. Elle sait qu'ils sont innocents et que je partage son plaisir à les satisfaire. Ma Nanette, lui disais-je un jour, l'ambition de la rose était donc bien forte en toi pour te faire craindre l'amour et ses caresses. Bon, me répondit-elle, si j'ai été sage, c'est que je n'y pensais pas. J'étais tranquille, tous nos garçons ne me donnaient aucune émotion. Mais Nanette, ton cœur. Ah, c'est vous qui lui avez appris à parler. Je l'embrasse. Tu m'aurais donc sacrifié ta gloire? Mesdames, est-ce que vous ne valez donc pas mieux qu'une rose? Et puis, je ne l'aurais pas perdue pour ça. Comment, comment, petite rusée? Bah, ah, quand on est un peu joli et qu'on est des notables, ils n'y regardent pas de si près. Eh bien, qu'en dis-tu? L'aréopage paysan vaut-il mieux que celui d'Athènes? Tenez, ma cousine Nicole, oh! Comme elle aimait Michaud, ils étaient tous deux comme de la braise. Ils allaient comme nous dans le bois, et ma cousine me disait qu'il lui faisait tant de plaisir. Elle rougit la friponne. Eh bien, elle a eu la rose l'année dernière. À tout cela, il n'y a qu'à se bien cacher. Quand on ne sait rien, on ne peut pas vous accuser. Mais toi, tu le savais. Oh, moi, j'aime trop ma cousine. Et puis, elle m'avait promis de tout me dire quand j'aurai la rose.